Leçon 3, page 144. Joyeux Noël. Nous voulons être utiles. Un soir de suie, rue Denis Papin, à Saint-Étienne. Nous voulons être utiles. Ça s'adresse à qui? Qui a écrit ça? Dans cette ville de la poisse tenace, qui a commis ces mots? Des sous-hommes, des intouchables, des SDF. Un collectif de SDF qui se prend en main. Des sans domicile fixe, sans crèche, comme l'étaient la maman et le papa du petit Jésus, il y a bien longtemps, exactement à l'heure qu'il est. De toutes les petites et grandes abjections qui se font dans mon média de métier, il y a chaque année, un peu avant Noël, ou au moment des grands froids, la spécialité SDF. La caméra braquée sur sa gueule de vomi, chaque hiver, le revoilà, SDF Superstar, le figurant le plus familier des intermittents de la société du spectacle que nous nous offrons pour les fêtes. Le SDF est un très bon produit média de fin d'année. Comment ne pas voir là ce qui n'est rien d'autre qu'une escroquerie morale? SDF Business, la concurrence des bienfaiteurs qui viennent dire devant les caméras et les micros « Je fais le bien et je veux que ça se sache ». Le chanteur de variété indigné devant la méchanceté pas gentille de ce monde sans cœur et toute la ronde des vertueuses incantations. Ainsi, chaque Noël, en cette froide nuit, on le sort de son carton et on exhibe à la fenêtre de nos télés ce Frankenstein social. Partout, la même vertueuse gonflette avant les fêtes. Nous voilà tout ruisselants de bons sentiments, bonnes âmes, braves gens. On ressort le même reportage que le Noël d'avant, les mêmes spécialistes, les mêmes témoignages, les mêmes indignations de réveillon. Daniel Mermet.